C'est quoi ce truc? Indy, c'est quoi ce machin? C'est quoi ce truc? C'est quoi cette chose? C'est une révolution, le mec le plus ultra. C'est quoi ce truc? Indy, c'est quoi? C'est quoi ce bidule? C'est quoi ce truc? C'est une révolution, le mec le plus ultra. Ouais, mais c'est quoi ce truc? C'est quoi? C'est quoi, bordel? C'est quoi? C'est quoi? Hein? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Hein? C'est quoi ce truc? Dis-moi, c'est quoi? Hein? Mais dis, mais dis. C'est une révolution, le mec le plus ultra. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Tu m'as dit ça, mais hein? C'est quoi vraiment? Hein? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Dis-moi. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? C'est une révolution, le mec le plus ultra. Ok, ok, ok, ok. Ok, ok, ok. C'est quoi ce truc? Hein? C'est quoi ce machin? C'est une révolution, le mec le plus ultra. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce machin? C'est quoi ce truc? C'est quoi ce machin? C'est quoi? Hein? Hein? C'est une révolution, le mec le plus ultra. Ouais, ouais. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce machin? C'est quoi ce truc? C'est quoi ce machin? C'est quoi ce truc? Quoi? C'est quoi ce machin? Hein? C'est quoi ce truc? C'est une révolution, le mec le plus ultra. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce machin? C'est quoi ce truc? C'est quoi ce machin? C'est quoi ce truc? C'est quoi ce machin? C'est quoi ce truc? C'est quoi ce machin? C'est une révolution, le mec le plus ultra. C'est une révolution, le mec le plus ultra.